J'arrive à un stop. Je dois céder le passage à droite et à gauche. La voiture blanche est dans la même situation. La différence d'importance, c'est qu'elle tourne sur sa gauche. Donc, elle doit en plus céder le passage en face. Puisque moi, je vais tout droit, je n'ai pas à laisser passer la voiture blanche. Réponse B.